Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est samedi et c'est l'heure de votre rendez-vous favori de disco et funk. Pour la découverte, on part sur le groupe Chemise et son titre She Can't Love You. C'est un groupe américain créé en 1982 et composé du mari et de la femme. Le titre sort en 1982 et se classe numéro 3 en France. Ils sortiront deux autres singles qui ne connaîtront pas le même succès. La chanson va vous rester dans la tête, assurément. C'était en 1982 et ça donnait ça. Club. Yeah. D'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Alors aujourd'hui, dans notre rubrique des 100 hits, nous allons nous intéresser à Sharon Reed et à son titre Beat the Street. François Kevorkian est producteur sur le célèbre label Prélude, qui a vu passer tant de stars comme France Jolie ou Inner Life. Suite à une audition, elle recrute Sharon Reed, la fille de Gene Reed, trompettiste et directeur musical du label R&B Records. Son frère est Gene Reed Jr., le producteur de Kool & The Gang, et sa sœur est une chanteuse de funk et de house réputée. Toute la famille baigne dans le monde de la musique donc. Le premier album de Sharon, d'où est tiré le hit Can You Handle It, est dans un format de boogie classique on va dire. L'album suivant est produit par le duo Daryl Payne et Eric Matthews. Il compose le titre Beat the Street en prenant garde de ne pas le rendre trop électro et préfère rester proche d'une esthétique plus soul funk, adapté plutôt à la voix de la chanteuse Sharon. Alors les cuivres, le chant ou la guitare funky permettent de garder un lien avec le funk, mais les sonorités électro-synthétiques et les effets marquent une avancée franche vers la house. L'autre hit de l'album, Never Give You Up, qui se classera aussi numéro 1, et les deux producteurs referont l'album suivant, Love How You Feel, sans changer de style. Allez, place à l'écoute. pour notre rubrique de la reprise, on va écouter une reprise d'une chanson d'un groupe repris par lui-même. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je m'explique. Vous connaissez tous Haut les mains d'Ottawa. Eh bien, ils ont aussi enregistré ce titre, mais en version anglaise. Cela s'appelle Hands Up. C'est sorti en 1981, en même temps que l'original. Original qui figure sur l'album Ottawa 2. La mélodie est exactement la même. D'ailleurs, vous allez vous en rendre compte maintenant. Alors c'est l'heure du maxi, un groupe que l'on n'a pas écouté depuis longtemps, The Gap Band. Extrait de l'album Gap Band 4, sorti en 1982, le titre Outstanding est écrit par Raymond Calhoun, membre du groupe. Il sera numéro 1 aux USA en 1982. Le morceau est très cosy et vous allez vous en rendre compte maintenant. We'll be right back. So long. Alors on se dirige tout doucement vers la fin de notre émission. Et qui dit fin dit pépite. Aujourd'hui, Céron. Vous connaissez le morceau Je suis musique ? Il est sorti en 1978 et est extrait de l'album Céron 4, aussi appelé The Golden Touch. Le titre a été aussi ressorti en 2004 dans une version remixée. L'album fait seulement 4 titres, mais il est tout bon, tout bon. On déguste ça. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Alors, on arrive au terme de notre émission. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous dis bon samedi, bon dimanche, bonne semaine. Et à samedi prochain. Bye bye. <t'->